J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. La Gazette nationale ou le Moniteur universel. Séance de la nuit du mardi 4 août 1789. Cette séance n'était indiquée que pour lire la déclaration arrêtée la veille et pour calmer l'agitation et les troubles des provinces. On a commencé par donner lecture de cette déclaration, mais elle était bien incorrecte. On n'y faisait pas mention des sacrifices que la noblesse était dans l'intention de faire. Elle ne parlait pas de la réforme que le clergé se proposait de faire. Elle n'annonçait enfin rien de ces grands objets qui intéressent et frappent la nation. L'Assemblée sentait bien tous ces inconvénients. Les peuples, disait-on, souffrent, se plaignent et gémissent. Ils nous ont fait des demandes, nous sommes chargés de les exécuter. N'aurons-nous donc que des délais à apporter à leur empressement ? Ne leur laisserons-nous entrevoir que des secours lorsque les circonstances nous commandent impérieusement de leur en donner au moment même ? Ces idées se sont bientôt répandues dans tous les ordres, ont fermenté dans tous les cœurs, et tout à coup, se dépouillant du vieil homme, chaque citoyen, quel que fût son rang, sa dignité, quelle que fût sa fortune, n'a plus été que l'égal de l'homme le plus obscur. Le seul titre de citoyen était celui qu'il voulait conserver. Chacun a secoué les préjugés qui ont fait jusqu'à présent la base de notre éducation pour signaler par le plus généreux désintéressement l'amour de la patrie. Monsieur le vicomte de Noailles a réchauffé toutes les âmes. Tout le monde s'est porté en foule au bureau pour s'y faire inscrire et y offrir des sacrifices au bien public, ou plutôt des sacrifices à la vérité, à la justice, mais qui n'en méritent pas moins notre reconnaissance. C'était à qui ferait le plus promptement l'abandon des droits les plus antiques, non pas les plus justes, mais les plus beaux, mais les plus avantageux. En une nuit, la face de la France a changé. L'ancien ordre de choses, que la force a maintenu malgré l'opposition de 100 générations, a été renversé. En une nuit, l'arbre fameux de la féodalité dont l'ombre couvrait toute la France a été renversé. En une nuit, l'homme cultivateur est devenu l'égal de celui qui, en vertu de ses parchemins antiques, recueillait le fruit de ses travaux, buvait en quelque sorte sa sueur et dévorait le fruit de ses veilles. L'homme noble a repris la place que lui marquaient la nature et la raison. En une nuit, les longues entreprises de la cour de Rome, ses abus, son avidité, ont trouvé un terme et une barrière insurmontable que vient de poser pour une éternité la sagesse et la raison humaine. En une nuit, le triple pouvoir féodal, aristocratique, parlementaire a été anéanti. Ces corporations, fameuses par leur tyrannie et leur cruauté, ne présentent plus aujourd'hui qu'un corps languissant, abattu, terrassé par un bras courageux et se débattant inutilement contre les efforts du patriotisme. En une nuit, la France a été sauvée, régénérée. En une nuit, un peuple nouveau semble avoir repeuplé ce vaste empire. Et sur les autels que les anciens peuples avaient élevés à leurs idoles, ils placeront l'image d'un Dieu juste, bienfaisant, tel qu'une raison sauvage le leur avait montré et tel qu'ils l'avaient appris de la nature dans le fond des forêts.